T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. Une heure au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le samedi 5 novembre 2016. L'automne, si pas l'hiver, sont déjà à nos portes. Aujourd'hui, bon, ça va, ça aurait pu être pire au niveau de la météo. En tout cas, le soleil, il sera dans vos oreilles, il sera dans la radio. Nous sommes ensemble pour 90 minutes de musique indépendante, de musique alternative, en tout cas de musique que vous n'entendez nulle part ailleurs. On va commencer la programmation de ce soir directement avec une nouveauté, bien entendu. On en aura encore pas mal à vous proposer au cours de 7h30. Même deux nouveautés. La première, c'est Yena. Elle s'appelle Yena. Elle nous interprète le morceau I Call My People. Et puis après, ce sera le groupe qui s'appelle Infamous. Enfin, le groupe, c'est un artiste un peu plutôt solo. Infamous avec Dream Come True. Restez avec nous, donc nous sommes ensemble jusque 18h30 et c'est parti pour le 378e épisode de Planète Indie. Real hard to be filled and give you my all. Stop trying hard not to surrender, cause the world is right, I'm not weak enough. My little bro hadn't leave where I'm leaving. I'm watching his steps even when he's dreaming. No, I'm not crying, I'm not weak enough to see what's happening in my hood to my drug cops. Little boys trying like the way drug is, little girls trying looking like you. Am I just asking too much? We just got into touch. The hand of God and bring protection to my soul. Oh, my mama's crying all night. I love him bad, but she fight, cause she's a superhero. Oh, I call my people up high. Though you can't deny that all the shit I've got, I've earned it from the sweat of my own. Bible says for all my people living in frustration. Remember, no one is full of perfection. I like to buy, say, keep your head up. Inviting, inviting, inviting. Hi, this is Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. Hi, I'm Gianni Bergisce, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Solveig. And this is Stevie. From the Pacific Northwest, and you're listening to Planet Indie. C'est un groupe originaire de l'Iowa et je parie que vous ne devinerez jamais comment ils qualifient leur musique ou leur style musical. Ils font du whisky gospel. Voilà, vous venez d'entendre, moi c'est aussi la première fois de ma vie que j'entendais du whisky gospel. Ils s'appellent les Kings of the Tramp. Les Kings of the Tramps, il faut bien mettre le S au bon endroit. King of the Tramps avec James Brown. Après le whisky gospel, eh bien, on va tout doucement s'orienter vers un style un peu différent puisqu'on sera assez bien blues aujourd'hui et ce soir dans Planet Indie puisque si vous étiez à l'écoute le mois dernier, je vous avais annoncé que notre powerplay ce serait ou bien King King ou bien Sari Shore, donc de toute façon ça allait plutôt aussi vers le blues rock. Eh bien ce sera Sari Shore ce mois-ci et probablement King King le mois prochain. Avant cela, on va encore écouter Richard Cuff and the Voodoo Choir, ça c'est Love Ya Nidia, ça c'est vraiment du blues, mais encore avant, c'est Ray Gorin qui se présente avec le morceau Save My Soul, la version 2016. He made his own decisions, he made his own mistakes. Digging in a hole, he found where it was made. He finally got his heart back, yeah, it was the one thing he needs. Walking on the clouds, he fell to his knees. Singing, hey, save my soul, cause I will sin before I get old. Say Baby, Voilà, on est en plein dedans dans l'ambiance bluesy de ce soir. À l'instant, c'était Richard Koff and the Voodoo Choir. Il nous interprétait Love Ya Need Ya. On traverse l'Atlantique, on va aller du côté de Big Apple, du côté de New York, pour passer un petit peu en revue l'existence, la vie, la carrière de Sari Shore, puisqu'elle est notre powerplay ce soir dans Planet Indie, avec son album Force of Nature. Elle est une pure New-Yorkaise, puisqu'elle est originaire du quartier du Queens. Et la musique, ça a toujours été son truc. Elle s'est toujours considérée et définie comme une chanteuse et comme rien d'autre. D'ailleurs, sa maman a toujours dit qu'elle pouvait chanter avant de pouvoir marcher, c'est dire. Elle avait aussi, à l'époque, quand elle était gamine, voire adolescente, un deal avec le disquaire du coin chez qui elle allait. Elle lui demandait de lui recommander quelle musique écouter. Donc, et puis après, elle allait aussi à la bibliothèque, sa bibliothèque de sa ville. Elle allait écouter les grandes chanteuses classiques, enfin, de jazz, les grandes chanteuses classiques de jazz, voilà, telles que Billie Holiday, Nat King Cole, Sarah Vaughan ou encore Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, c'était sa chanteuse préférée quand elle était jeune. Elle voulait devenir Ella Fitzgerald. Et puis elle a creusé un peu plus profondément, et puis elle a commencé à découvrir ce que, eh bien, ces chanteuses de jazz écoutaient elles-mêmes. Et c'est là qu'il y a eu un tournant dans sa conscience, puisque c'est là qu'elle a découvert les chanteuses de blues, et elle a trouvé que le blues était quelque chose, eh bien, qui lui parlait beaucoup plus vocalement que le jazz. Elle se sentait plus à l'aise avec le blues, et c'est comme ça donc qu'elle s'est orientée vers le monde du blues. D'ailleurs, pour elle, la chose la plus importante, eh bien, c'est de raconter une histoire et d'exprimer les sentiments humains à travers la musique. Elle trouve que, eh bien, le blues est plus approprié à cela que le jazz. Voilà pour le début et l'introduction de Sari Shore. On va écouter un premier extrait. Celui que j'ai sélectionné s'intitule Cat and Mouse. Alors, c'est un morceau qu'elle a écrit à l'époque quand elle essayait d'enregistrer son album. Elle était dans un label différent de celui sur lequel elle est actuellement. Elle avait un deal avec le label qui lui avait imposé un producteur, mais ça ne marchait pas du tout avec ce producteur-là. Il était complètement pas fiable, il venait pas. Enfin bon, elle avait demandé au manager du label de changer de producteur. Lui n'a pas voulu, il lui a dit: tu fais le disque avec ce producteur là ou tu ne le fais pas du tout, en tout cas pas chez nous. Donc elle a essayé de continuer, ça marchait toujours pas, et puis finalement elle a eu le courage de s'en aller et de renoncer au deal et donc à son disque. C'était sacrément courageux, puisque tous les labels ne sont pas toujours prêts à vous signer pour faire un album. Donc c'est de ça que cette chanson va parler. Ça s'appelle Cat and Mouse, Sari Shore. C'est extrait de son album A Force of Nature, et c'est notre powerplay ce soir dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. Keep future coming down the line. Seek my fame and fortune, gonna drink expensive wine. Got a lot of road ahead, gonna get there if I try. I ain't looking for nobody who's gonna sell me another lie. So come on, come on, come on, let me tell you how it's gonna be. Away, every single word you say, I want. Voilà, à l'instant dans nos oreilles, le groupe Rust avec Hello Darling, et avant cela Stéphanie Fedra, Never Let Me Go. J'espère que vous appréciez la programmation musicale de ce soir. N'hésitez pas à nous le faire savoir, hein. Vous pouvez soit nous donner un petit coup de téléphone au 26 54 0044, 26 54 0044, ou alors encore plus facile, vous nous rejoignez dans notre groupe Facebook, vous tapez Planet Indie soit dans Google, soit dans Facebook, et vous allez nous retomber dessus, et puis vous n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vous apprécier appréciation. Et en plus, vous aurez peut-être l'occasion de discuter avec certains des artistes que vous entendez, puisqu'il y en a déjà pas mal qui nous ont rejoints. 17h38, on continue en musique avec Logie and the Fingers. C'est encore une nouveauté, il y en a déjà eu quelques-unes ce soir. Logie and the Fingers avec Jump That Line. Et puis après, on écoutera notre prochain Powerplay, celui du mois prochain, King King avec Waking Up. Hey, this is Chris from Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Mindle Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. You hear that whistle, baby? Train's just running right on time. You hear that whistle, baby? Train she's running right on time. You wanna leave tonight? Yeah, we got to jump that line. People in this town, yeah, you know they ain't our kind. People in this town, yeah, you know they ain't our kind. You wanna leave tonight? Yeah, we got to jump that line. That sunrise rolling across that Badger line. We can watch that sunrise rolling across that Badger line. You wanna leave tonight? Yeah, we got to jump that line. Build a cabin, baby, up in them north woods. Build a cabin, Juju, up in them north woods. But if you wanna leave tonight, yeah, we got to jump that line. Had enough. am I searching for all the reasons why? I'm waking up, rising up, got me out of my mind. Lift me up, had enough, heartaches all that I find. Voilà, c'était King King avec Waking Up, notre prochain powerplay pour l'émission 379 du mois de décembre. On en est encore qu'au mois de novembre, donc on va se concentrer sur le powerplay de ce soir. L'album A Force of Nature de Sari Shore, un album qui est sorti en Grande-Bretagne et en Europe le 2 septembre. Donc il est tout chaud, tout récent. Un album produit par le légendaire Mike Vernon. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, il a travaillé avec des gens tels que John Mayall and the Blues Breakers, David Bowie, Fleetwood Mac, Chicken Sack, Eric Clapton, Peter Green, Christine McVie. Bon, ces deux-là, c'est des figures proéminentes de Fleetwood Mac. Et aussi le groupe 10 Years After. C'est un album qui est enregistré à la fois à Séville en Espagne et aussi en Grande-Bretagne. En parlant de Séville, eh bien, je vous ai mis un extrait d'un concert de Sari, justement à Séville, sur notre page Facebook du groupe de Planète Indie. C'est un album qui a notamment aussi comme nom Ines Sibun, qui fait partie du groupe précédent de Robert Plant, ou encore Walter Trout, qui a joué notamment aussi avec Canet Heat. Donc rien que des beaux noms. Sari Shore, eh bien, elle s'est fait connaître en faisant des tournées avec la légende du blues Joe Louis Walker, ou encore Poppa Chubby, et puis elle a été il y a peu présentée et introduite dans le New York Blues Hall of Fame. Concernant l'histoire de la rencontre de Sari Shore avec Mike Vernon, c'est assez amusant, hein. Je vais vous donner deux versions, la première maintenant, la seconde tout à l'heure. La première version, c'est celle qu'on trouve sur son site internet, la version officielle, on va dire, c'est qu'en janvier 2015, on parlait de Mike Vernon, Mike Vernon s'était rendu au International Blues Challenge de Memphis pour recevoir un Keeping the Blues Alive Award, donc une récompense pour le remercier de toute son action dans le milieu du blues. La légende nous dit qu'il a vu la performance de Sari Shore sur scène et que ça a été ça le moment le plus marquant de son week-end, de sa soirée, et qu'il a offert de sortir, de quitter sa retraite puisqu'il était plus ou moins retraité et de produire son album. Retenez bien, ça c'est la première version de l'histoire, c'est la version officielle, on va dire. On parlera de l'autre tout à l'heure. On va écouter pour l'heure un morceau qui s'intitule Ain't Got No Money. C'est un morceau qu'elle a écrit après avoir lu l'interview d'un ancien trader de Wall Street, puisque on l'a dit tout à l'heure, elle est originaire de New York, qui disait 10 millions de dollars, 1 million ou 2 millions, c'est même pas bien. Le gars qui est assis à côté de toi, il en fait beaucoup plus. Donc elle dit qu'on vit dans un monde de drogués à l'argent qui ne veulent que le pouvoir et pour qui gagner des millions de dollars, eh bien, ce n'est jamais assez. Elle pense que c'est pas sain dans une société. De vivre dans une société comme celle dans laquelle on vit actuellement, où Wall Street, eh bien, brasse des tant d'argent, alors que d'autres professions comme les professeurs, les infirmières, les policiers, les pompiers, les scientifiques et toutes sortes de professions différentes, eh bien, sont si dévalorisées, en tout cas en termes d'argent. D'ailleurs, il y a un petit jeu de mots dans ses paroles où elle dit « Ain't got no money, but you ain't got no sense ». Sense dans le sens d'intelligence, mais aussi dans le sens sense avec un C. Les cents, les US cents, la subdivision des dollars. Et puis en parlant d'argent, allez, encore une petite anecdote et puis je me tais. Son premier concert, à propos de son premier concert, parce que je fais lien avec la question d'argent, son premier concert, eh bien, elle l'a donné quand elle était à l'école supérieure. Elle était dans il y avait un groupe de rock et qui savait qu'elle chantait et qui lui a demandé si elle voulait pas devenir la chanteuse de leur groupe. Elle était un peu à la fois paniquée mais excitée. Elle leur a même pas dit qu'elle ne connaissait aucune des chansons. Elle a un peu triché quand elle était sur scène, mais elle s'est tellement amusée, eh bien, qu'elle y a pris goût. Elle se souvient qu'ils ont eu 3 rappels et puis à la fin elle ne pouvait même pas. Elle a reçu $50 pour sa performance. Elle ne pouvait même pas s'imaginer qu'elle pouvait être payée pour chanter tellement elle aimait ça. Voilà, je me tais, je la laisse chanter. On écoute le morceau Ain't Got No Money de Sari Shore. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Slave to your greed.

baby. One more kiss, maybe. Tell me you love me evermore. Then we'd walk out of our door, 'cause baby, maybe we don't belong here anymore. La, que vous ne devinerez jamais d'où est originaire ce groupe, et même leur nom ne vous mettra pas sur la voie. Ils s'appellent Seed Folks, ils nous interprétaient We Don't Belong Here, et ils sont originaires de Tokyo au Japon. Bah oui, on n'imaginait pas ça en écoutant leur musique. Avant cela, c'était les Dyslexic Postcards avec The Shakes That You Make. On poursuit avec une autre voix féminine très charmante, celle de Arda. On revient du Japon et on va se planter en pleine Méditerranée, dans l'île de Chypre. Arda accompagnée de son Stolen Moon, et le morceau s'intitule Parallel Universe. Après cela, on écoutera Giulia Milanta, Pieces. First it was MySpace and then Facebook. Some people heard what you were singing about, wanted to take a closer look. But they took you to a studio, and well, that was the last time I saw you. Now you're flying from Spain all the way to Japan. Baby, now you're making money. How does it feel? Is this for real? Heard that you wrote a song about me. Baby, now you're making money. How does it feel? Was it worth it? I've been watching you on TV. I don't really like what I say. Your success was quite unexpected. I can clearly see you've been affected. Things are just not the same. Nothing but you're selling to send that. Now you've got a barcode running down your back. All you need is a tag. Baby, now you're making money. How does it feel? Is this for real? Heard that you wrote a song about me. Baby, now you're making money. How does it feel? Was it worth it? 'Cause I've been watching you on TV. I don't really like what I say. Remember the days when you were always broke? You were playing gigs, telling stories. Your hair was long. You wanted to make music, to help people, to make a difference, to change the world. But they're all have been changing now. The only one changing now is you. Baby, now you're making money. How does it feel? Is this for real? Heard that you wrote a song about me. Baby, now you're making money. How does it feel? Was it worth it? 'Cause I've been watching you on TV. I don't really like what I say. I'm a rebel. normal or maybe just foolish. Struggling, swimming upstream when I could have been the big fish. That they come, this'll have to do it my way. A moment of me, certain things I gotta hold on to tight, and I sleep better at night. Mothers, fathers, son, death, chicken, feathers, a tie that lifts you up, wind that tears you down. Steps, words, dreams, doors, seasons, changes, curses, wars, in a single day, life can fade away, pieces. Story I don't understand, pieces of a puzzle slipping through my hands, pieces. My hand, your heart, my mind, your ghost, we are apart, we are friends at most, pieces. Story I don't understand, pieces of a puzzle slipping through my hands, pieces. Voilà une très très belle chanson de Giulia Milanta, ça s'appelait Pieces, et avant cela Arda et son Stolen Moon avec Parallel Universe. Retour sur notre album Powerplay, celui de Sari Shore, un album qui s'appelle A Force of Nature. On va écouter maintenant la version de Mike Vernon pour sa première rencontre avec Sari Shore. Et bien c'est dans une interview que j'avais retrouvée, je ne sais plus trop où, en faisant des recherches. Enfin bon, il explique qu'en janvier 2015 il se trouvait à Memphis où il s'était rendu pour recevoir un Lifetime Award pour donner de la par la Blues Foundation. Il a rencontré Sari, elle s'est présentée à lui en mentionnant qu'elle adorerait qu'il produise son premier album, même si elle était bien consciente qu'il était à moitié à la retraite. Ils ont parlé 10 minutes et ils se sont mis d'accord pour rester en contact. Mike Vernon dit que Sari lui faisait penser à Martha Vélez, une artiste avec laquelle il a travaillé dans les années 60 et 70. Un peu plus tard ce soir-là, Mike Vernon devait aller en ville pour aller écouter quelques groupes comme ça, mais il sentait le décalage horaire, il s'est dit « je vais aller coucher tôt » et apparemment il a eu les échos le lendemain et il a raté la performance de Sari sur scène. Donc Sari et lui, eh bien, ils ont continué à correspondre de manière régulière. Elle lui envoyait des démos et des liens de vidéos, notamment quand elle chantait avec Joe Louis Walker ou Papa Chubby. Et puis Mike Vernon s'est commencé à se faire une image de ce que c'était Sari Shore. Il s'est arrangé pour la faire venir en Espagne pour mieux se connaître. Et puis ils ont été enregistrés quelques morceaux. Et c'est comme ça que l'album, un an plus tard, est devenu A Force of Nature, l'album qu'on écoute aujourd'hui dans Planet Indie. Il dit qu'ironiquement, eh bien, il n'a jamais eu la chance de la voir sur scène, seulement plusieurs mois après la première fois où il l'a rencontrée. Encore une petite anecdote sur Sari et sa vie sur scène. On a dit tout à l'heure qu'elle avait été surprise d'avoir été payée pour chanter. Elle a encore une autre anecdote assez amusante sur un de ses tout premiers concerts. C'était dans un bar, dans un club de rock. Et puis au milieu de la première partie, il y a eu une bagarre. Il y a eu des gangsters qui sont entrés, qui ont mis le feu un peu partout. Eux, ils essayaient de récupérer tout leur matériel. Et puis le propriétaire, lui, il a refusé de les payer jusqu'à ce qu'ils aient fini leur performance. Voilà, ça c'est encore une autre anecdote amusante de sa vie. On va écouter le morceau Kiss Me. C'est un morceau que Sari, elle dit qu'elle aime le rock psychédélique des années 60. Elle dit que la mélodie est un univers parfait pour des paroles un peu érotiques. Mais enfin, cette chanson-ci, elle est plutôt sur les sentiments qu'on peut éprouver pour quelqu'un qui est parti, donc quelqu'un qui est décédé. C'est un peu plus triste, mais bon, on écoute Kiss Me, Sari Shore. C'est notre powerplay donc aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. All I want you to do is kiss me. sun's light, shimmering like the 70s. She calls me the maiden of the sea, a magnet to the northern pole, a songbird to a tree. Un peu plus en douceur. À l'instant, c'était le groupe Rivers of England. Je me permets de zapper un peu la fin parce que on arrive tout doucement au terme de la programmation, enfin au terme de l'émission, mais la programmation, j'avais encore prévu des trucs et j'aurais pas le temps de vous passer tout aujourd'hui. Donc on va quand même essayer de passer la douceur qu'on avait prévue. On va passer du piano pour terminer parce qu'on va écouter Lena Natalia. Et puis si on a un peu le temps, on écoutera un petit peu de Nathan Schubert. Nathan Schubert avec un morceau qui s'appelle Saga Nogen, Landskrim et Malmö. Ça nous emmène donc du côté de la Suède. Et puis on doit encore passer en revue en vitesse. D'ailleurs, je profite que ce sont des instrumentaux pour passer en revue la programmation de la Rockal. Alors ce soir, vous pourrez voir à la Rockal Box le Biffy Clyro. Demain, il y avait le Rumours of Fleetwood Mac, mais il est annulé. 9 novembre, Kenji Girac. Le 10, 11, 12, c'est le festival, l'édition 2016 du festival Sonic Visions. Et puis il y a aussi le 11, le Red Hot Chili Peppers, mais c'est complet. Le 19, Vitalik. Le 23, Nidekensbap. Le 25, L.E.J. Le 26, JBO, bah, ils sont donnés le mot pour les initiales. Le 27, Guillaume. Le 28, le Musical Box, les covers de Genesis. Le 30, Jain. Et le 1er décembre, Max and Igor Cavalera. Voilà, allez, je vous laisse avec quelques minutes avec Lena Natalia. Et puis on va tout doucement se dire au revoir. C'était donc Lena Natalia, un morceau qui s'appelle Kiane Sevro. J'ai pas choisi le plus facile pour terminer. Le dernier, ça va encore être pire. Saga Noren, Lens, Krim et Malmö. Il s'appelle Nathan Schubert, c'est aussi du piano. C'est avec ça qu'on va se quitter. J'avais encore prévu un autre morceau, mais je vous promets, je vous le passerai le mois prochain. C'était aussi une mise en musique de poème de Yeats. Bon. C'était avec la chanteuse Wittenberger, dont la voix ressemble quelque peu à celle de Kate Bush. Ben, ce sera pour le mois prochain. Notre prochaine émission donc se déroulera le samedi 3 décembre, mêmes heures, mêmes fréquences. 17h-18h30 sur les fréquences de RGL, soit par ondes hertziennes, soit via internet. Et puis vous pourrez écouter le podcast de cette émission dès ce soir, normalement si tout va bien, sur notre site internet, sur notre page Facebook. Cette émission sera aussi rediffusée demain dimanche entre 17h et 18h30 si vous avez eu le malheur de la rater aujourd'hui, ou si vous voulez la réécouter, pourquoi pas. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, comme ça vous aurez toutes les actualités et toutes les dates au fur et à mesure. Et puis, quant à moi, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et puis de belles journées d'ici le 3 décembre. Allez, portez-vous bien, à bientôt. On se quitte avec donc Nathan Schubert.